s'affiche dans un mouchoir, 50 mètres dans du prestige, pas si clair pour la planète, et le brouillard fibre et l'on respire, de plage en plage se y construit, pour les riches, et l'on attend. Mm-hmm.